Fais gaffe, doucement, c'est facile. Arrivage à la PPM. PPM, ça veut dire en américain Pre-Production Meeting, c'est-à-dire réunion de pré-production. C'est-à-dire la dernière réunion où tous les détails se décident avant le tournage. La réunionnite au sommet de son art. Celle qui a à peine 34 ans et qui se parle déjà toute seule, c'est Fabienne, la TV prod. Ça, c'est bon, ça. Célibataire, sous Prozac, elle fait toujours son maximum. Okay. Ça la fatigue énormément. Et nous aussi. Ok. Lui, c'est Giovanni del Toro, le réalisateur. Il a été choisi parce qu'il est très pro. Un grand film. A great movie. Traduisez, il s'écrase devant l'agence. Si.